À l'occasion de la journée du soleil, la maison d'édition iranienne Hadian a fait paraître le 20 mars en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un intitulée « Faisons honneur pour toujours aux grands idées révolutionnaires du Sun-gun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents hauts faits en la matière ».